Oui. Bonjour, bonsoir, mes chers amis. Et comme d'habitude, tout y est juste pour na moi minute, tout ça, moi minute moquée. Toujours dans les cadres, il y a Mbokanabiso. Et ce qui se passe soit na Congo, soit na diaspora. Vous remarquerez que Nazo a annoncé les sous-soutés comme tu m'as dit que ça l'angokala. Ezali du naba emploi du temps nabiso. C'est pour cela d'ailleurs, vous voyez que n'a enregistré qu'à juste la nuit et puis la journée n'a qu'à poster en haut parce que ce qui Nathalie fuseau horaire et puis emploi du temps d'Abisso moyenne les canaux live si koyo exacté voilà pourquoi n'a enregistré qu'à et puis n'a qu'à qu'au publier en haut au moment où bo, Bino Bozali Nathan ya malam Rolanda Bisso. Donc je considère souvent les Congo et puis l'Europe parce que zone wana tant Bino Ezali Ndengemoko. Voilà. Lelo naye juste pour na toujours Sabino toujours ma déception d'Abisso par rapport il y a population d'Abisso par rapport il y a élite entre guillemets il y a Mboka d'Abisso par rapport il y a bateau basé une influence. Je parlais dernièrement de pasteur. Je vous dis en passant que na recevoir ma appel et belé à ma pasteur qui confirme ce que je dis. Et la plupart des pasteurs qui m'ont contacté, malheureusement, Bazali Kozoa, qu'on reconnaître responsabilité sociale na Bangote, mais Bazali quoi accuser ma pasteur Moussousou. Ah, papa, au Lobaki na yo bien, au moni ma pasteur, na biso, il fallait bailler en église, nangaï, na tchabango ma boko, il fallait. Mais yemo quoi, Bazali Kozoa, responsabilité na yété. Alors. On va commencer par Ndenge Boyebi. Il y avait une marche organisée par la soi-disant opposition menée par Moïse Katumbi, Fayulu, Matata Ponyo et puis le petit Sesanga. Na sa ma vidéo, vous avez vu, je vous avais dit que en réalité, Marchouana, Ezalaki Batoué notre population qui ne comprend rien. Donc, Bangou, Luka, Kassori, Babengi, Bango, Bakéi, et Bango, Bazu, Ba Image, Ba Lakisi, Ba Financier, Na Bango, voilà, tous la popularité, et Bazongi, Sibino, Na Bandako. Lobina Tongo, Ndenge Moko, Makambozo continue Ndenge Moko. Et dans ces groupes-là d'opposition, entre guillemets, Tozali n'a deux tendances. Il y a la tendance tshisekédiste, Tshisekedi wa Mulumba, et la tendance kabyliste. Alors, la tendance Tshisekedi wa Mulumba, Ezali conduit par. Étudiant naïe, Martin Fayulu, qui ne fait rien d'autre que ce que Étienne Tshisekedi faisait. C'est-à-dire qu'il y a, avant d'Akaranabutu, Azali Kotala, qu'est-ce que Étienne Tshisekedi Omulumba a dit, qu'est-ce qu'il avait fait. Alors, il y a peu Azali Kolanda, juste bon tabac. Azali Kolanda, Kakandengwana. Rien d'autre. Alors, moi, différent, c'est ça que Étienne Tshisekedi Mulumba bandeko binate, mais yé azobina, abinaka. Ah, bah, il faut comprendre, il est de Bandundu. Vous voyez, Bakar Bandundu, dans le Kétou, bah, ça terrible. Alors, il y a cette tendance-là des Tchènes Sikoré-Wamulumba, et ça est caractérisé par mensonge, et ça est caractérisé par trahison, et ça est caractérisé par innovation sans innovation. Alors, c'est une politique de 1960. Et Fayulu Azali Koyebate, que le monde évolue, et il doit aussi évoluer par rapport au monde. Mais hélas, malheureusement, hier Azali Koyebate évolué, il ne fait que copie conforme de Tshisekedi Tshilombo Lumumba, qu'on trahit toujours. Tendance Yami Balé, Ezali tendance kabyliste, comme je l'ai dit. Comme vous le savez, ils ont les tendances, Oyo, Bazali, juste les élèves, les envoyés de Paul Kagame. Donc, Nyonso Oyo le Rwanda dit, Nyonso Oyo le Rwanda veut au Congo, Bango Bazali, juste instrument, Oyo Bazali, qu'on matérialise ce que le Rwanda veut. Et ils ont vraiment étonnant que tout le monde, la population, a biso Bazali, qu'on y est batté. Bazali la capacité à comprendre était que Fayulu est en train de rouler contre Bango. Vous allez comprendre était. Marche organisée par, si réellement c'était une opposition, vous organisez marche, on vient, on vous balance l'argument, il y a sécurité, et vous reportez cette marche. Mais ça qui est en réalité, il y a une question de sécurité, il y a une question. Il y a un des piliers, il y a pouvoir, qui est le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, qui s'est marié le même samedi, jour que l'opposition avait prévu leur fameuse marche. Alors, le pouvoir a négocié avec Fayulu, avec cette opposition, parce qu'en réalité, on ne peut pas le pouvoir ne peut pas négocier avec Katumbi, avec Sesanga, ou bien avec Matata, parce qu'ils ont pouvoir na Bango, union sacrée. Ils ont pouvoir na Bango. Donc, le pouvoir a négocié avec Fayulu. Alors, Fayulu a accepté que, bon, voilà, on va mentir, comme d'habitude, dans cette population naïve qui est problème à sécurité, Ezali. Alors, marche Ezali reportée pour le 20 mai, donc après-demain, le samedi. Alors, maintenant, je me demande, j'ai cherché par-ci, par-là, pour voir qu'est-ce qui a été amélioré en ce qui concerne cette sécurité, cette fameuse sécurité qui a fait décapoter, qui a fait reporter cette marche de l'opposition, excusez-moi, de l'opposition, soi-disant. Alors, Nazali Komona et maintenant. Bomoni, ce que Félix est en train de faire pour Nabino, peuple naïf. Ma marche, ils allaient organiser, Bélé, IDPS va organiser, Batoumsou va organiser. Donc, on ne sait plus comprendre qui a organisé quoi. Bamsou Stoyoki, Namusika, Bakolit Nabango, non, marche, ils allaient reporter. Reporter, marche, il fallait Basalango, juste parallèlement, non, pas parallèlement. Mais en support, dans la marche à Kinshasa, à la diaspora, à Paris, je pense, ils avaient organisé la marche pour le samedi passé. Et comme Bangopé va s'aligner dans cette faveur, dans Muninga, na Bango, Gécoco-Moulumba, à Paris aussi, ils avaient reporté leur marche. Bangopé à Paris, question de sécurité. Dans Paris, question de sécurité, la marche a été reportée. Et maintenant, Monique, non, ce n'est pas clair. Fayulu n'est pas clair. Prévoyait qu'il peut marcher pour le 20 mai, samedi, après-demain. Et voilà, dans Paris, on dit, bon voilà, marche fait, ils allaient annuler, annuler. Mais dites la vérité, que Fayulu vous a roulé. Fayulu vous a roulé. Bozongela kabiso, toyebike, bozali ba Congolais, Congolais, à sa mandakate, Congolais sengaka pardon te, Congolais reconnaissaka erreur na yete. Reconnaissez que Fayulu vous a roulé. Reconnaissez que vous avez trahi avec Fayulu. Alors, je disais, je parlais de pasteurs qui m'ont contacté. Bon, voilà. Mes chers amis, ces histoires de religion, il faut que ça la très attention. Parce que, n'est-ce pas que la fois passée, Batunabiso, ce qui est au coup de la Makambo, classe, et Zapenda Malamouté, Bazali, facilement manipulable par Bavander et Paradis. Facilement manipulable. Mais entre-temps, Mboka et Zali qui évoluent, Bozali qui liaient, Bozali qui tamboulaient, Bozali qui zoakissaient, Bozali qui tanga Malamouté, insécurité partout. Masango ya pamba, il faut que neko bonde la nabazambien. Mais le dimanche, talandege batondi n'église. Et pourtant, na mokili mobimba to mona ka souffrance ke zali, peuple ba mitchaka na misala, ba sala ka misala, les églises, ba religieux, prêche, le travail na batona bango, bo sala makasi poto bima na situation o tozanango. Mais nos pasteurs, non, bango bazo favorise boluke longa nzambe misalate boluke longa nzambe poke na lola parce que oh nyoso vanité de vanité, vanité de vanité. Mais pourquoi vous cherchez le travail? Vanité de vanité, pourquoi vous envoyez vos enfants à l'école? Vanité de vanité, pourquoi vous voulez voyager? Vanité de vanité, restez chez vous à la maison, mourrez. Entre temps yemoko pasteur, vanité de vanité te. Mabonza azali ko memba, azali ko somba bandako, azali ko voyager, bana bazali ko tanga malamu. Mais pour vous, des naïfs, on vous dit, vanité de vanité, oh nyon so yamokile, ko tika na mokile. Mais pasteur, oh yamokile, azali ko luka yango, pourquoi? Bonjour, mon atiki, vraiment, vous allez ba idiot. Alors, la marche, pour na le 20, ezali ko yeba na te, qu'est-ce qui va se passer? Alors, Fayulu et ses amis sont en train de s'imaginer scénario ni nipo ba kosa lisu sou peuple lango. Parce que peuple a zo ba kosa kaye toujours, ba kosa kaye toujours. Nenga na lobi, lelo na ko ou mera mingite, dans ce même cadre de notre peuple, bisonyo sou ba peuple, bisonyo sou ba Congolais, nous avons contribué ou nous contribuons à cet échec de notre pays. Moi, j'ai contribué à l'échec de notre pays n'andenge que je suis né dans un pays des idiots. Bazali majoritaire, les amois difficiles pour nako percer. Voilà, péché nanga yango. Ezala na kati ya mboka au Congo. Ezala na diaspora mawa mingi. Mes chers amis, vous savez que ngana no bakango toujours mboka na biso. Tokoyi ko changer ango par des actions spontanées. Mais tozali na crise de confiance entre Congolais. Même l'élite congolaise. Et d'ailleurs, cette crise de confiance est très accentuée au niveau de cette élite congolaise. Batubatanga, bango mingi mingi bazali na ba na germe wana ya crise de confiance. Kope sa confiance na mutu mususu te. Voilà ce qui fait que Tokoyi ko se réunir te même un petit groupe de quelques 10 personnes pour sauver ce pays. Okobengi sa groupe Oyo, chacun vient dans sa tête avec l'idée ngai président. Même ayebina onte pourquoi Obengi se bango. Déjà il se positionne nga président, nga mutu, ngai. ce qui te kei na groupe T, parce qu'il y a crise de confiance. Il faut total à côté, il y a organisation, il y a association, par exemple, il y a diaspora. Dans le pays, dans la situation comme celle que le Congo traverse aujourd'hui, ce qui est l'histoire, il y a la libération à Bamboka, c'est la diaspora qui mène des actions démocratiques, des actions de fruits pour nous sauver Mboka. Alors, s'il y a crise de confiance entre intellectuels, entre Congolais, est-ce que tu peux tourner côté yaba organisation na diaspora na biso? Ngana mona kangoti. Je vois pas ça. Hormis mouke, hormis la pareko. Dans le belakango mingi, mais hélas. Hélas. Je pense na kloto honoré mbanda. La pareko devrait être une organisation parce que Zali, la seule organisation bien structurée na diaspora na biso, je l'ai dit toujours, et koi ko sali sa biso. Pour na ko arriver à ce que nous voulons. Parce qu'il y a des places na yebisa kabino, ba place est belé oyo ngai na kendaka. Les Nations Unies, par exemple, et ça très difficile pour qu'on accepte individu. À moins que ose à la individu, moko à la trempe de Dalai Lama, la trempe y a Denis Mukwege, voilà. On peut, dans certaines mesures, vous accepter, vous écouter. Et peut-être des actions sur base de ce que vous allez connaître. Mais sinon, les Nations Unies fonctionnent avec des organisations. Bisika vous allez connaître dans Milili, Bosunga Biso, on a besoin de pommes. On a besoin de makalakonki. Bosunga Biso. Mais la réponse aux Tozali qu'on voit toujours, oui, tu y es bio, oui, tu y es binomi balé, binomi satu. Mais, ma kambouya boye, ça fonctionne là-bas, organisation représentative. Parce que en cas de problème avec toi comme individu, l'organisation va assumer. On signe avec l'organisation, on ne signe pas avec des individus. Parce que l'individu, lelo, osana besoin de makalankonki. To pesi yo makalankonki. Na batu o bako servir makalankonki. S'il y a un problème, parce que quand on donne, batu wana basala keza ba business na bango. Il faut bazwa en retour. Mais ceux qui sont yokani, toko peso makalankonki, toko peso batu bako servir makalankonki. En cas de problème que toi qui n'existe plus, qui va kozongi se la biso, ba moyen na biso auto tient à disposition na yo. Tok ende pa ya mwasi na yo, tok ende pa ya ba na yo, non, ça fonctionne pas comme ça. Voilà pourquoi il demande toujours l'engagement des organisations représentatives. Yango boyo kaka er nyoso na yela ka toujours na lobaka toujours likambo ya pareko. Parce que la pareko ezali prototype ya ba organisation oyo ekoki kosunga biso po na makalankonki. Et la question qu'on se pose maintenant, est-ce que la pareko a réellement cette volonté yako aider mboka na biso pour la libération. Ou bien zali kaka juste mangungu kaka. Ce qui na koti na kati. Je me dis oui à pareko. Avec le PO na solo la kanabango. Bazali vraiment na cette volonté là. Mais pourquoi ils ne sortent pas na ghetto pour s'engager réellement? Qu'est-ce qui ne marche pas? Je viens de comprendre que la PARECO aussi doit être nettoyée. Nayebe siko vandi. Pourquoi il s'en a yo zamu ta PARECO te ou l'obéra PARECO? Pourquoi? Déjà Ndeko, tu comprends toi-même que les Kambouya Bongo et Zamu Kousse. Association Nyonso. Natango ezali na mutu na yo. O concevoir yango ezali ya yo. Natango bimisi yango public eza susu ya yo te. Population mutu nyonso aza na droit ya kotala. Qu'est-ce qui se passe là? Bole mbongo, ndenge na telemelaki. Kabelo Gate. Parce que l'argent, ya ba contribuable ya PARECO. Au lieu de servir na ba action pour libérer le pays ndenge babande ikoloba, non, l'argent ya contribuable na malili na ba hiver na ba mbula na ba moi ya diaspora o bazali na kati ya PARECO, l'argent servait na kosomba bakabelo ya ko tia ba sil ba rouge à lèvres ya Candido Keke. Tozali na document awa. Je pense que ça de l'autre côté. Ya comment est-ce que l'argent arrivé na caisse ya PARECO? Comment est-ce que l'argent a été dépensé? L'argent a été dépensé na ba salon de coiffure. Pour Nabakabelo, il y a Candido Keke. Pour Nandaku, il y a Candido Keke. Or, ce type d'organisation, quand vous êtes membre, ezali membership, il y a volontariat. Volontariat, il faut avoir un travail. Ndenge na ba église, c'est la conception. Les pasteurs doivent travailler. Le pasteur doit travailler. Ndenge moko lokola ba parti politique, ba association tozali, comme la PARECO par exemple. Na telemaki Candido Keke. Premièrement, j'ai été condamné. Mais après, tout le monde m'a donné raison. Que j'avais réellement aidé la PARECO pour se débarrasser de Candido Keke. Ngai soye nazalaka bien avant. Ba 5 ans ou bien ba 7 ans. Na linga na aidé kulu tonore mbanda se débarrasser na Candido Keke. Bandaka. Mais le décident wana. Et tika la ko sala matei. Mais hélas, chers amis congolais, tolandi a PARECO. Ba procès na Candido Keke. Ba bundi, ba fingani, ba secret ebimi. Tout le monde na PARECO a confirmé que non, Candido Keke a été parmi de personnes clés qui ont livré les secrets ya kuto honore mbanda na kabili na bakabilis na bachisekeliste. Tout le monde est d'accord. Kobanda famille biologique tina famille politique. Tout le monde est d'accord. En coulisses, j'ai reçu des félicitations. Merci beaucoup de nous avoir aidés à nous débarrasser na nyoka oya mnene na pariko. Ah, ndeko yombi soko yaka avant. Er kulutu azalaki, er président azalaki vivant. Nde peut-être akufi mikolote. Ndenge na lobi yango ba procès landani, ba émission ebele, bele, bele, bele, bele, makelele bele. Mes chers amis congolais, mes chers amis de la Pareco, Candido Keke, Azozonga Pareco. Nabandela. Nabandela. Candido Keke.